Babylon. Non-stop, ça me touche. Cherche à relaxer, chill, mais t'as je viens d'apprendre en tant que ma banque veut plus attendre, faut que je paye mes comptes. J'compte, fais mes soldes. J'ai pas assez pour payer, j'suis encore plus stressé, faut joindre ma gold. No go, à plage, pogne une conne blonde. La main on the road, j'fais du cash, no joke, j'suis broke. Mets les cops, ma check, mets mon fond sur tes decks, cop, pap. J'm'ennuie du temps où j'vendais du chocolat. Au moins y'avait pas de stress dans ce temps-là. Pas de monde était relax, y'avait moins de taxes. Tout était raw. Beau comme Salima, Dalila, Rima, Mina, Nadia, Tamira, etc. Mais non, direct, dans ce temps-là, le stress n'existait pas. Mais c'est plus le cas maintenant. Mais il est ben trop stressant. Le stress me mange comme une bioche. Stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Aujourd'hui, le stress te pogne jeune. Les réalités sont pas bonnes, la jeunesse sont des guns. Babylon joue à mob, la TV change trop les modes, l'agent transnob. Bon, bon, trop de jeunes sont victimes de la gangsta mode. Se prennent pour Capone, t'sais. Bon, tu as wrong. J't'ai écœuré, burn out, no doubt, but I keep looking up. Fight cash, blast. Là, j'écris mon album en français, stressé comme jamais. Yo, chill, s'il vous plaît. J'fais plus de cash que jamais. Et même si je flex le bicep, c'est pousse le stress, stress, reste malgré l'argent, c'est sûr. Prenant, mais des coups rageant, enrageant. Comme un sergent dans ton appartement qui vole ton argent. Hey, en passant. Peace à la Sûreté du Québec, on va buster la police de Chambly. S. Prix que j'ai ri. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une bioche. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch. Le fait que je sois stressé, stresse le monde dans mon cercle. On me dit qu'un stressé qui sait qui est stressé est moins stressé qu'un stressé qui sait pas qui est stressé. Hein? Mais pourtant j'en vois encore. Chut! La dame avec qui je t'en viens fou. Hey! Fait chill avec tes pensées. Calme-toi et tu casses avant que je te fracasse la face. Bon, il est temps que je m'efface, fac Claude. Paye le refrain que j'ai à thérapie. Je finis comme la toune. Stressé comme les cartoons. Irritable comme une balloon. Bozo comme un clown. Hey, crook! Où c'est mis mes gogoons? J'ai envie de faire le goon. See you soon. Part 2 is coming near you. Avec KZ, Adam and the beat in the world. Une méchante gang de fous. On s'en fout. On est aïe aïe aïe aïe. Lâche-moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vas te déniaiser, man. Tu vas sortir une vidéo, quelque chose, man. T'as des mad lyrics, wake up, man. Sois sérieux, yo. Peace aux deux crooks, Longueuil, Saint-Hubert. My word is born.